façon, c'est comme notre putain qui s'amuse à mettre des carottes à tout le monde. Ouais, bah, ils l'ont attrapé, ils l'ont marqué. Bah, oui, c'était sûr. Eh les gars, parlez moins fort, faut que j'appelle vite fait. Allô. Ouais mon gros, c'est FKC, bien quoi? Ouais, j'suis bien quoi mon gros? Bah on est là, tranquille, ça fait quoi là? Là, que dalle, posé au quartier. Galère mon pote, et toi? Bah ma gueule, j'suis au stud, t'as vu là, j't'appelais pour le projet, un pied dedans, faut qu'on quitte notre fit là. Ah ouais, la prod, eh mon gros, j'ai zappé d'écrire. Mais non, t'es sérieux là? Mais non, j'suis pas sérieux. Le couplet, il est tout j'did, il est tout propre, il est fini depuis hier soir, t'inquiète. Enfoiré, va. Bah vas-y, c'est quand que tu débarques alors? Moi tiens, regarde, d'ici une petite demi-heure, je peux être là. Je sais qu'un pote en charrette, on débarque. Bah vas-y, nickel, poteau. Nickel, bah vas-y, à toute. Wesh mon pote. Bien ou quoi? Tranquille et toi ma gueule? Bah ouais, on est là hein. Déjà en mode stud et tout. Ah ouais, à donf ma gueule. Vas-y, fais écouter ton set. Si si, ok. Ça fait. La vie est folle, mais bon il fallait s'y attendre. Elle appuie où ça fait mal et te fait creuser ta tombe. Le monde une bombe où on est tous pris au piège. Pendant que les cons dépassent, moi je gratte toutes mes pages. Vas-y approcher, jusqu'à l'attentat prochain. On n'est pas prêt de raccrocher, nous sommes des loups face à vos chiens. L'état fait des manières, mais il mérite un tas de cartouches. Nous mettre des barrières, afin qu'on se crache tous. Fallait s'y attendre, et ouais mon pote qu'est-ce tu croyais. Certains en tremblent, et d'autres se retrouvaient noyés. Leur a sonné, mon rap un fusil d'assaut. On aime la qualité, comme cette fusée qui t'assomme. J'compte pas lâcher le morceau, c'est clair que c'est mort ça. Viens pas jouer le costaud si t'es galvé comme morsage. J'remets les compteurs à zéro, mais tu me vois rouler à 2,30. On perd pas la raison, non, mais on te conseille de te rendre. Si, si, ma gueule. Ah, ça pique, ça pique. Si, merde, frère. Bon, et toi, t'as ton couplet alors? Ouais, ouais, ouais. Le monde part en couille frère, fallait s'y attendre. Et c'est de veste qu'ils visent pour ça, prends-toi s'y attends. On court après la thune, on court quand les déquis arrivent. C'est 2013, ça part en couille, y'a des gays qui se marient. Alors j'aiguise la mine, oui j'maîtrise la rime. Pourquoi tu tises l'ami, tu préfères le whisky à la cristalline. Et oui c'est triste à dire, mais le vice t'attire. Vers le bas tu fais du bis, pensant que tes parents le verront pas. Mais sache que la pente est raide, alors cesse de t'enterrer. La belle vie c'est dans tes rêves, ici personne viendra t'aider. Fallait s'y attendre gros, nous on s'habitue à ça. Pour te faire du lourd, pas besoin d'un gros bitueux. Pas le temps pour les sentiments, c'est juste les billets de sang qui manquent. Là tu montes à la tête, la preuve. Je sens le sang qui monte, trime de barre, chaque carré, flow précis au millimètre. Si on perd c'est le destin mais pas celui d'Amélie. Mec tu croyais quoi? RFA fraise, au max. FKC, FK prod 2013, un pied.